Mes amis, vous le savez, hier, c'était le grand jour chez les socialistes. Les 120 000 militants devaient se prononcer sur le « oui » ou le « non » à la Constitution européenne. Et comme les chefs se tirent la bourre, d'un côté il y a Fabius, celui qui a une tête de faux cul avec ses yeux plissés et qui est contre, de l'autre il y a Hollande, celui qui a une tête en forme de mimolette et qui est pour. Oh, une telle indécision au sein d'un parti aussi prestigieux, je me suis dit « c'est pas possible ». Helmut, fait quelque chose, va leur parler, va les raisonner, les socialos. Je me dirige donc vers la rue de Solferino, le bunker de la Rose. Je fais mon petit bonhomme de chemin quand, je ne sais pas par quel hasard, je me retrouve place Pigalle. Comme j'étais en avance, je me dis, Helmut, tu vas pas passer ton chemin comme ça, sans t'arrêter de dire bonjour aux copines, fais pas ton chrétien de gauche. Salut les filles! Ça roule! C'est quoi en ce moment la position number one? Encore la levrette claquée? Ouais, en même temps, c'est de valeur sûre. Bon, je vous laisse, j'ai un truc à faire. Pardon? C'est dommage que je sois pressé? Pourquoi? Vous organisez une petite fête cuir, latex et Nutella au premier étage? Bon ben, je vais rester 5-10 minutes alors. 5 heures plus tard, je sors de chez les copines. Bon, je presse le pas histoire de rattraper le temps perdu. 200 mètres plus loin, je passe devant un bar où mes amis à moi prenaient l'apéro. Ah ben je vais quand même pas passer devant sans m'arrêter de dire bonjour. Salut les gars, ça roule? C'est quoi en ce moment l'alcool number one? Encore le Ricard? Ouais, en même temps, c'est une valeur sûre. Bon, je voulais, j'ai un truc à faire. Pardon? C'est dommage que je sois pressé? Pourquoi? Vous organisez une petite fête Pernod, Ricard et Nutella dans la salle du fond? Bon ben, je vais rester 5-10 minutes alors. 5 heures plus tard, je sors du troquet. Je presse le pas, histoire de rattraper le temps perdu. 200 mètres plus loin, je passe devant un commissariat. Eh ben, on m'a pas laissé passer sans m'arrêter. Un mec à poil bourré couvert de Nutella en pleine journée, les flics qui trouvent ça louche. Du coup, j'ai passé la nuit au poste et j'ai pas pu parler aux militants socialistes. Quelle poisse. Bon, je vous laisse. Faut que j'aille faire pipi. Au revoir.